ça y est, on y est. Il est minuit et 9 minutes, un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Encore 2 heures, 51 minutes de pur bonheur et de Gérard qui est avec nous et qui est en train de s'installer. Il est en train de régler son micro. Au lieu de le faire 5 minutes avant, il faut qu'il le fasse pendant le jingle. Il rentre en jingle et après il installe son casque, il règle son micro, la hauteur du volant, machin, etc. Gérard, bon. Bon, cette première heure avant d'attaquer le débat sur les relations amoureuses, on va donc d'abord on va dire bonsoir à Rigo. Salut Rigo. Bonsoir. Et donc tout le monde est là, Anka, Malu, Fildar et tout le monde. Hein. Pendant cette première heure, inutile de nous joindre au 0803-08-5000. Gardez votre énergie pour tout à l'heure lors des débats. Alors, et on va faire une chose qu'on n'a jamais faite, c'est tout simplement de te parler de toi. D'abord, d'où tu viens, Gérard? Exactement. Où es-tu né? À Puteaux. Donc, enfin, quand tu es un enfant de Paris, de la banlieue, quoi. Voilà. D'accord. Donc, t'as été à l'école en banlieue parisienne, c'est ça? Enfin, t'as été à l'école en banlieue parisienne. Mmh. D'accord. Comment, sans aller jusqu'au niveau d'études, mais comment c'est? Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de l'école? Pas trop, parce que bon, j'ai eu quand même des petits problèmes, donc je ne dirais pas lesquels. Non, c'est-à-dire des problèmes non, mais d'ordre professeur avec tes élèves, tu t'entendais pas très très bien, c'est quoi? Vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents, de tes parents à toi? Soi-disant. Non mais c'est tout. On avait dit que... Non, d'accord, ok. Mais je veux dire, sinon, est-ce que tu gardes de bons souvenirs avec des élèves? Est-ce que tu te souviens d'un... Sans donner le nom de famille, d'un prénom, est-ce que tu avais un super pote à toi quand tu étais en maternelle ou en école scolaire avant d'arriver au... Non, parce que là où j'étais... Intervenir, ouais. Là où j'étais, je pouvais pas avoir de bons souvenirs. Si tu veux, bon, tu sais très bien le problème, on en a discuté, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop à l'antenne. Non, mais tu dis ce que tu as envie de dire, mais c'est pas un truc avec des initiales. Tu peux en dire, tu peux dire. Non. Non, mais Gérard, tu peux dire sans te dévoiler, je veux dire. Bah... Donc, t'as pas de bons copains. T'as pas de souvenirs de bons copains au bahut. Non. Et de professeurs non plus, tu trouvais marrant ou un cours qui te trouvais sympa. Quelle était ta matière préférée? De matière préférée, on me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. Depuis le début? Mmh. Et t'avais une matière préférée au fond de la classe ou pas? Non. Fécal. Non. Sérieux, on a dit, s'il vous plaît. Sérieux? Fécal, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la physique chimie. Non, mais voilà. Non. Ouais, bon, de manière. Sixième, il a arrêté. Non, même pas. Tu fais de la physique en chimie, hein, sixième. Bon, bref. Donc, pour l'école, pas très bon souvenir. Donc, tu quittes l'école. Ton premier job, ça a été quoi? De l'intérim. Travailler en manutention. Ouais, d'accord. Non, même pas. D'accord. Même pas, parce que j'ai arrêté l'école à 17 ans. Disons, c'est moi qui ai fait une fugue de là où j'étais. Ah, donc, t'as fait une fugue? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que là où j'étais, c'était pas un truc qui était pour moi. Ouais, t'es pas bien, quoi. Tu te sentais pas bien. C'est-à-dire que non, c'était... mais c'est pas ça, c'est que... Pas assez de liberté? Non, c'est pas ça, c'est que, bon, j'ai pas voulu trop en parler. Pourtant, si que toi tu le sais, toi, parce que je t'en avais parlé plusieurs fois. Même Arnold qui est là peut intervenir aussi s'il veut. Non, mais toi surtout, vas-y. Mais disons, moi, j'ai pas gardé de souvenir de ce qui m'est arrivé, parce que bon. Pourquoi t'as fait cette fugue? Parce que ce qui s'est passé, bon, si tu veux que je dévoile tout, hein, on va le dévoiler. Mais ça, non, mais t'inquiète pas. Ça, après, ça restera entre nous, et je veux pas qu'il y ait des saloperies qui viennent comme ça. Donc, c'est comme Fildar veut savoir. D'où je viens de la DAS. D'accord. Oui, donc c'est là-bas, en fin de compte, que t'étais pas bien. D'accord. Voilà, okay. Donc de l'âge de 5... On l'avait déjà dit, ça. De l'âge de 5 mois jusqu'à 18 ans, bon, à 17 ans, j'ai fait une fugue, j'ai été récupéré par les gendarmes, et ils m'ont ramené avec les menottes dans le train jusqu'au tribunal de Nanterre pour enfants. D'accord. Voilà, mais, terminé. Quand on vient de la DAS, donc t'as été dans des familles d'accueil? Oui, ça se passait pas bien. Non, jamais, à aucun moment. Et là, bon, le dernier centre que j'ai fait, c'est dans le Loir-et-Cher, donc la centre commercial. Non. Centre. Ah oui, d'accord. Centre pour enfants. D'accord. Donc j'étais là-bas et ça s'est très mal terminé. La directrice, bon. Donc t'as fait quoi? Donc du coup, tu t'es retrouvé dans la rue avec ton sac. À l'âge de 20 ans, 21 ans, tu t'es retrouvé comment? À l'âge de... Une fois que t'es décidé que t'as pu quitter la DAS, tu t'es dit stop, j'arrête, j'y retourne plus, donc non, on t'a mis dehors. Je me suis retrouvé au tribunal de Nanterre. C'est de là que, soi-disant, une personne qui serait venue au tribunal de Nanterre en disant comme quoi que j'étais leur fils. Donc, pour l'instant, j'ignore encore les circonstances. Non, mais ça, c'est une chose. Mais après ce fameux procès, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans la rue? Ben non, je me suis retrouvé chez eux. Et puis bon, on m'a dit, si tu plais pas ce qu'on te dit, bon, ben, on te met en marine jusqu'à... L'armée, jusqu'à, quoi. Non, placé... Donc dans à la marine, c'est-à-dire faire mon service militaire dans la marine. C'est ce qu'on te dit, c'est ce que je dis, c'est vrai, au service militaire, faire la marine, l'armée, quoi. Voilà, donc, jusqu'à... Donc t'étais dans une famille où, dont on t'a dit que c'était ta vraie famille. Voilà, soi-disant. Soi-disant, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ta vraie famille. Bah, tu sais, j'ignore. Tu ignores, d'accord, ok. Mais donc, j'ignore tout ce qui se passe. D'accord. Le nom que tu portes, c'est ton vrai nom ou pas? Non, parce que je ne connais pas mon père. D'accord, donc le nom qu'on t'a donné, c'est le nom de cette famille-là, mais ça se trouve, c'est pas toi. Non, mais je porte le nom de soi-disant mon père, d'accord, que je ne connais pas. D'accord. Alors bon, alors... Si on pouvait arrêter de parler de ça, parce que sinon... Mais on voulait... Non, mais il n'y a pas de problème, cool. Alors, attends, il y a une chose que j'aurais bien voulu faire, et c'est dommage, il n'y a qu'un représentant qui est là, de l'équipe que tu connaissais très bien le matin... Donc, il peut intervenir. Mais non, mais dis ce que t'as à dire, toi. Non, mais moi, j'aurais bien voulu essayer de voir avec Doc pour savoir exactement ce que s'il en pensait, lui. Parce que lui, Non, parce que lui, il est quand même bien placé pour... On lui transmettra, On va continuer. Donc, on va changer de sujet. Donc, on va parler de ce métier, moi. Donc, le métier qui a fait connaître Gérard et que t'aimes beaucoup mettre en avant, c'est routier. À quel moment t'as eu le déclic de vouloir être routier? Et comment ça s'est passé? Bah, depuis l'âge de 5... depuis l'âge de 10 ans... Ça m'a passionné, je voyais des camions, c'était ma passion. Mais tu voyais ça dans la rue, dans les séries, à la télé, partout? Dans la rue, je voyais plein de camions, pour moi, c'était ma passion. Mm-hmm. Et ça a toujours été ma passion d'être routier. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon permis, donc je suis devenu routier. Bon, malheureusement, maintenant, je ne peux plus le faire, mais je salue tous mes potes routiers. Mm-hmm. Donc, ils se reconnaîtront largement. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc, tu as voulu être routier, tu l'as été, tu es rentré dans une société. Mm-hmm. Tu as eu justement ce qu'on dit qui fait que tu ne peux plus être, c'est-à-dire tu as eu un accident. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé justement, cet accident? Parce que tu nous as déjà parlé de verglas, un accident de camion. Je l'ai juste demandé avant, est-ce que tu as eu des difficultés à passer le permis poids lourd ou pas? Parce qu'hier, on a eu Thierry. Ouais. Qui lui l'a passé, a tiré de la sécu, il a passé son permis poids lourd, il nous l'a dit, et il a dit que c'était dur parce qu'il fallait faire des marches arrière avec un semi-remorque. Non mais lui, ce qu'il a passé, c'est le super lourd, donc le 40 tonnes. Ouais. Moi, j'ai que le 19 tonnes. Donc le 40 tonnes, c'est différent parce qu'il faut, avec l'auto-école, ils te font reculer avec la remorque. Non. Il y a 19 tonnes. Voilà. D'accord. Alors donc après, donc ce qu'est-ce qui s'est passé? Donc combien de temps t'as été routier? Ben j'ai été routier 3 ans. 3 ans. Jusqu'à cet hiver où il y a eu une plaque de verglas, t'as eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans ce moment-là? C'est que t'avais un peu bu, c'était quoi? Une erreur d'attention? Non. Mauvaise visibilité? Non, c'est pas ça, c'est que sur la normalement, comme c'était le lendemain des... le jour des vacances, mm-hmm. Donc en 93, donc 5 janvier 93, je m'en souviens très bien, ça fait 6 ans maintenant. Mm. T'as fêté ton anniversaire, carrément. Ça fait 8 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, je devais aller à Dourdan charger un complet pour aller à Rouen, donc au centre hospitalier de Rouen. Ah non, tu faisais quand même des grandes distances. Bah oui. Tu rentrais pas chez toi tous les soirs. Ah si. Ah, c'est quand même, oui. Si, je m'arrêtais à Poissy. Tu vidais là-bas? Je vidais une palette. Et après, tu rentrais? Non, je vidais une palette de parfum pour Poissy, donc Rocha, donc... Ouais, d'accord. Et après, je continuais sur Rouen. D'accord. Au centre hospitalier. Et là, c'était les vacances, le fameux 5 janvier 93. Voilà, donc t'avais pas le droit aux autoroutes. Et donc, j'ai pris une départementale. Et là, c'était pas sablé. Et donc, Mais t'allais vite, tu roulais vite? Non. J'étais à vitesse normale, quoi. Normal, et celui qui m'a percuté, lui... On t'a percuté? C'est l'erreur de quelqu'un? Ben, c'est un semi-remorque, avant c'était un 38 tonnes qui m'a percuté. Donc c'est lui, en fin de compte, qui a pas vu que j'étais en whirling déjà, parce que j'étais déjà en travers de la... T'étais en whirling? En travers de la route. Donc, il n'a pas pu... Il y avait un peu de brouillard, donc il n'a pas pu voir. Et donc, il m'a percuté. Moi, ah, mais toi, tu avais déjà eu un accident, c'est-à-dire que tu avais quitté la route. Ah, mais moi, j'étais déjà en travers. Quand lui, il m'a percuté. Ah, donc c'est pas lui qui t'a mis en travers. C'est toi qui étais tout seul à cause du verglas. Et lui, en plus, il a pas eu le temps de freiner, t'as rentré dedans. Voilà. Et c'est à cause de ce truc-là que t'as eu. Voilà, que j'ai eu. Donc t'as été hospitalisé, ça a été un accident assez grave. Oui, quand même. Hospitalisé. Je suis resté quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois. À l'hôpital. Sans pouvoir bouger. Bouger. Donc t'étais sur un fauteuil roulant. Voilà. Rééducation ensuite. Mais t'avais donc t'avais une vie de famille, t'as tout perdu, plus ou moins à cause de ça ou Oui, c'est à cause de ça en fin de compte. Hein. Mais pas avant, sinon tout se passait bien avant. Ça s'est bien passé, mais donc dès que j'ai commencé à faire à dire que je faisais de la route, bon, ça s'est un peu mal terminé. Ouais. Donc ça y a pas plu. Bon, ma fille, tu veux que je te dise tout? Bon, enfin, tu dis ce que t'as envie de dire. Attention, que je dise pas, qu'on dise pas après que t'es obligé de dire. Tu dis ce que t'as envie de dire. Non, mais ma fille, c'est qu'on va respecter. Hein. Ma fille que je ne vois plus à l'heure actuelle et que j'y fais des gros bisous malgré qu'il y a beaucoup de gens de Lyon qui nous écoutent. Mm-hmm. Donc, elle, dès qu'elle voyait un camion, elle disait c'est papa. Ouais. Et alors que j'étais déjà hospitalisé. D'accord. Et après, quand t'es rentré donc de l'hôpital, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est partie, ils sont partis. Ils ont... Bon, après, elle est partie, puis. D'accord. La petite. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Voilà. Parce que là, t'étais dans le trou, t'en pouvais plus. T'es tombé dans le. Enfin, t'as disons, comme... j'ai commencé bien avant qu'on se connaisse. À picoler. Disons, non, pas trop. Disons si. J'ai commencé comme ça, puis bon. Après, ça a été la décatombe. La décatombe jusqu'à jusqu'à temps qu'on se connaisse. Ouais. Bon, même quand t'es encore dedans. Hein, quand on s'est connu, bon. Un petit peu. Il y a eu quelques embrouilles. Bon, sinon, après, bon, il y a eu. On peut dire, t'as fait une cure pour t'arrêter quand même. Bah oui, mais en fin de compte, ça a servi à rien parce que bon, plus les années passaient, ouais. Et plus je repensais à ma fille. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que, en fin de compte. Mais t'étais pas très motivé à avoir envie d'arrêter réellement. De quoi? Quand tu buvais un peu, quand tu voulais faire une cure, parce qu'il faut être motivé, c'est comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer ou qui se drogue, sans avoir envie. Forcer quelqu'un à le faire, parce que toi, je me souviens, t'avais été obligé. T'as eu un procès ou je sais pas quoi, et pour bonne conduite, il fallait absolument que tu fasses ça. Non, mais c'est pas ton propre chef. Non, mais c'est pas ça, c'est que, on m'a obligé, dans un sens oui et non, pour, parce que j'avais des voisins, j'avais tout fermé, les volets et tout. J'avais marqué comme quoi que je ne voulais plus qu'on me dérange, et puis tout. Donc ils ont pas. À l'époque, on se connaissait. Bah oui. Et t'avais toujours les volets fermés, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ils ont fait intervenir la police et les pompiers. Bon, c'est de là que ça s'est passé. Ouais. Puis après, bon, on s'est connus. Donc bon, je dis pas que ça. Je peux pas dire que ça va encore bien, parce que je repense toujours à elle. Mmh. Je sais que là, son anniversaire est passé, je la vois toujours pas. D'accord. Je suis en train de me battre pour essayer de la voir. Mais t'as plus de nouvelles, tu sais plus où elle est du tout. Bah disons, je sais qu'elle est avec mon ex-femme, ouais. Sur Lyon, ouais. Mais pour l'instant, I'm done passing the vie, donc... D'accord. Donc je peux pas certifier si elle va bien. D'accord. Bon, j'ai une photo d'elle, mais que je ne peux pas. Je peux pas la regarder puis je ne peux pas la bien sûr. Parce que moi ça me fait trop mal au cœur parce que bon ça fait quand même de 95 qu'elle est partie donc ça fait déjà 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. 6 ans qu'elle est partie donc. Bon. Alors. En dehors de ça, on va changer de sujet. Il y a un truc quand même qui passionne également les gens, c'est que quand on a préparé cette petite heure, beaucoup de messages internet, des gens voulaient savoir beaucoup de choses te concernant sur Gérard de Suresnes. Quelles sont les passions de Gérard? Alors, les passions, c'est la pêche. Ouais. J'aimais bien aller à la pêche. Ouais. Quel genre de pêche? Pêche à la mouche? Non, gardon, tout ça. Ouais. Camping quand même parce que bon quand j'ai eu des petits problèmes bon je partais avec une mobilette et puis je Ah, t'as eu une mobilette. Une quoi comme mobilette? Je dirais pas la marque. Non, mais j'ai une 103. Non, 51. Ouais, voilà, mais j'étais jusqu'à Orléans. Ah ouais, quand même. Avec. Au camping d'Orléans. Et puis, bon... C'est bien le camping? Non, parce que t'as pas trop d'entourage derrière. Non, donc, t'as des passions. Donc, là, tu as dit la... La pêche. La pêche, la camping. Le camping, et puis, la Formule 1, ça... Justement. La Formule 1. La Formule 1. Ça a même fait un débat. Quand tu avais fait un débat sur la pêche aussi, qui était pas mal, la pêche et la chasse, à l'époque. Mais tu t'en souviens plus? Non. Tu dois être encore sur l'alcool. Non, mais c'est pas grave, la Formule 1. T'aurais voulu en faire un métier ou quoi? De quoi de... La Formule 1? Non. Si t'avais pu? Non. Et pourquoi? La pêche? Non. Pêche, à la rigueur, je dirais pas que j'y retournerai pas. C'est un beau métier, pêcheur. Non, mais je dis pas que j'y retournerai pas par la suite. Hein. Enfin, c'est dur, hein, faut se lever tôt quand même. Ouais, métier, mais... Ça me dérange pas de me lever. Tu te vois sur un bateau et tout, partir le matin là, à la pêche. Non, je vais pas en mer. Hein, Toi, tu veux partir avec un chalutier, mais en rivière. Non, je vais au bord des lacs. Hein. Ah oui, d'accord, en chalutier, bord des lacs, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, je vais au bord des lacs, ouais. C'est tout. Hein. Oh, bah, sinon, tu loues une petite péniche et tu fais le canal du Midi, quoi. Ouais, si voilà, tu veux. Ça, c'est le bon pêcheur, quoi. Mais Formule 1, donc, c'est ta passion. Ah ouais, ça. Quel est pour toi le plus grand pour toi? Pour moi, j'aimais bien Ayrton Senna. Bon, malheureusement, il est parti. Il est à la retraite, oui. Alain Prost, j'aimais bien aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'aimes dans ce... qu'est-ce qui te passionne dans cette Formule 1? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Bah, j'aime bien, c'est au moment du départ et les ravitaillements. Tout le reste, c'est chiant. Non, mais après, quand tu les vois, ils se doublent, tout ça, c'est pas trop intéressant, mais... Le mieux, c'est le départ et, ouais. Et les ravitaillements. Ouais, tu pourrais aimer la moto, tu pourrais aimer à ce moment les rallyes. Non, mais... Tu pourrais aimer Paris-Dakar, quoi. Toi, t'aimes bien Paris-Dakar, c'est surtout le 1er janvier à minuit et le 31 janvier à midi, quoi. Non, j'aime pas trop Paris-Dakar. Non. Si, par contre, ce qui me passionne... Il y a un départ, il n'y a rien. Hein. Ouais, non, mais ce que j'aime bien dans des rallyes comme ça, c'est que c'est dommage que y en ait pas beaucoup, à part dans le Paris-Dakar. Ouais. C'est que sur le Paris-Dakar, j'ai vu, y avait les camions, mais ils nous les font pas voir assez. T'as compte faire un Paris-Dakar en Australie, hein. Donc, ouais, il faut créer Paris-Dakar, mais dès que ça sera fait, ils vont nous le dire. Sur la Formule 1, alors. Donc, ce que t'as avant tout, c'est la vitesse, je sais pas, c'est quoi? C'est le goût du risque, tu... Non, je sais pas, c'est... parce que bon, ça me paraît un peu bizarre de dire ma passion comme sport, c'est ça, la Formule 1. Non, mais c'est... En fin de compte, c'est juste les ravitaillements et le départ qui te passionnent là-dedans. Non, mais c'est la vitesse et puis le risque. Le risque? Ah, ouais, tu trouves qu'ils risquent, pour toi, ils risquent leur peau. Même quand je vois les essais. Ouais. Est-ce que tu considères qu'un comme Schumacher aujourd'hui, dont on dit qu'il gagne 22 millions par mois, ouais, non, mais au total, tout compris, est-ce que ça te paraît énorme aujourd'hui les sommes des sportifs plus que de la Formule 1, même les joueurs de football? Est-ce que ça t'écœure, toi, qui a de la difficulté tous les jours à finir tes fins de mois, d'entendre quand même tes sportifs préférés gagner des millions? Est-ce que ça t'écœure? Est-ce que tu trouves ça normal que taper dans un ballon, gagner 1,5 million par mois, que de conduire avec un volant Non, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pourquoi? Non, ça me dégoûte parce qu'ils sont trop payés. Parti politique. Pourquoi? Non, mais ils le font pour toi. Non, mais ils sont trop payés. Pourquoi ils sont trop payés? Attends. Non, mais ils sont trop payés là-dedans. Attends, t'en as d'autres qui gagnent quoi? La moitié de ce qu'ils gagnent? Même pas la moitié. Encore, je suis généreux, je dis la moitié. Par exemple... La moitié quand même d'un million, ça fait toujours 500 000 francs, ça va, ouais, c'est honnête. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec 500 000 francs par mois? Tu peux pas. Tu peux pas vivre. Eh ouais. Tu peux pas, je suis désolé. Si, on peut, mais c'est difficile. Ouais, À ce moment-là, il faut avoir quelqu'un dans la famille, il faut quelqu'un dans le couple qui gère le budget. Parce que... Attends, faut se serrer la ceinture quand même. Ouais, non, mais attends, j'ai pas dit. Non, mais à 500 000 francs, également. Par mois, il faut se serrer la ceinture. Mais tu peux faire quand même des trucs sympas. Ouais, quoi? 2-3 restos, pas plus. Oh non. T'as 2-3 restos. Attends. Soyons clairs, là je rejoins Gérard. Tu gagnes 500 000 francs par mois. T'as un loyer, 4-5 000 francs. T'es foutu, tu vas payer l'EDF, machin, t'en as pour 400-500 balles. L'hiver, tu fais le chauffage, tu vas rajouter 500-600 balles. Les courses? Les courses, 2000 balles par mois. Non, mais attends, je termine de ce que je dis. Non, mais il a raison, 2-3 loisirs, un mec qui aime bien jouer au loto, tout ça, il fait des grilles pendant le mois. Fait qu'au total, tu dois retirer à peu près 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il te reste plus que 400 990 000 francs. Pour vivre. Non, mais même, tu peux pas. Tu peux même pas mettre de côté. Tu peux pas partir en voyage. C'est difficile, reconnaissez-le. Ou alors, il faut être raisonnable. Quand tu gagnes 500 000 francs par mois, il faut pas vivre avec un loyer de 5 000 francs par mois. Non, mais même, tu peux. Mais comment tu fais? Tu peux pas acheter non plus, donc. Je sais pas, Gérard, toi. Pour toi, un mec qui gagne seulement 500 000 francs par mois, ça, je sais pas, sa journée se résume à quoi pour toi? C'est de la survie? Ouais. Non, personnellement, de toute manière, même avec un loyer, avec le téléphone, l'EDF, les courses, plus l'habillement, avec 500 000 francs, avec 500 000 francs, il ne peut pas y arriver. Je suis désolé. Alors, le mec qui arrive, qui dit qu'il peut y arriver, ben, qu'il me le dise. Non, mais là, tu lui tires son chapeau avant autre chose. Non, mais qu'il me le dise. Si, voilà, faut peut-être qu'il soit célibataire, mais il peut pas avoir une vie de famille avec tes enfants. Non, mais ça, c'est clair et net. Hein. Parce qu'un mec qui gagne 500 000 francs par mois, et qui ose avoir une famille, c'est les foutre dans la merde. Ouais, ça, ah, c'est clair. Il y a la pension alimentaire derrière. Parce que sinon, si la femme, elle bosse... Ouais, mais faut être ça double. Dans ces cas-là, ces cas-là, il faudrait que la femme gagne effectivement elle aussi 500 000 francs par mois, ce qui nous fait 1 million par mois. Là, tu peux commencer un petit peu à t'amuser. Une folie. Là, avec 1 million par mois, tu peux y arriver tranquille. Hein. Ouais, tranquille. Tu peux faire quoi de plus? Ah bah attends, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller en boîte. Tu peux aller au resto tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends. Ouais, le samedi du week-end, pas tous les week-ends, pas les week-ends complets. Ah bah tu peux y aller le samedi et le dimanche, hein. Ouais. Alors que si tu gagnes deux fois moins qu'un million, non. Non, c'est la merde. C'est rien. 500 000 euros, c'est pas pareil. Oh, on s'en fout de ça, de l'euro. On s'en fout de l'euro, Fidlar, je t'ai dit, qu'on était clair, d'accord. Non, mais Gérard, il a raison, on discute. On s'en fout, justement, il a raison, on parle de tout. Mais on s'en fout. Pourquoi tu t'en fous? L'euro, ça arrive bientôt. Non, mais l'euro, pour l'instant, je m'en bats les couilles. Non, mais attends, c'est quand même la... Non, mais je m'en bats les couilles, c'est pas avant février 2002. Ouais, d'accord, mais faut quand même, faut commencer à s'éduquer. Non, mais je m'en fous, on parle pas de ça. Non, on parle de toi et de tes passions, donc on peut pas dire. Eh ben, on a le droit de te poser. L'euro, qu'est-ce que t'en penses, toi, Gérard? Moi, personnellement, l'euro, de toute manière, ça va être de la merde. Pourquoi? Parce que ils vont commencer déjà à nous faire chier. Ouais. Parce qu'ils vont commencer à nous rendre la monnaie en euros. Oui. Et en francs. Donc on va se mélanger les pédales. Alors pour moi, c'est de la merde. Surtout pour les personnes âgées. Oui. Alors ça, les personnes âgées et tout ça, ça, je vais te dire une chose que ça. Les aveugles. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Bon, hé. Hey. J'ai rien dit. Non, non, mais tu fermes ta gueule, mais c'est tout. Non, mais attends, Gérard, on parle calmement. Il déconne. Je vous demande jamais. Non, non. Pas une petite. J'ai rien dit. Hein. Non, mais c'est. Manu. Non, mais moi, je préfère dire une chose. Bon. Que sur l'euro, pour l'instant, pour moi, ça va être le bordel complet. Là, ça, c'est en pour parler. Déjà, je crois qu'il y a des chèques. Il y a des chéquiers qui sont en euros. Et il paraît qu'ils commencent déjà à rendre la monnaie en euros. Je ne sais pas dans quel magasin, mais pareil, ça commence. Et ils acceptent déjà les chèques en euros. Est-ce que et en francs. Est-ce que tu aurais une solution, toi, pour aider les gens pour le problème de l'euro? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à ton avis? Disons, pour les personnes âgées, le problème, c'est qu'ils voient avec des gens qui sont... Je vais dire... C'est compliqué la question que tu me poses, Rigaud, mais je vais quand même y répondre. Si tu veux, il faudrait qu'ils aient quelqu'un de confiance. Par exemple, quelqu'un de leur famille. Ouais. Qui soit toujours avec eux. Qui soit avec eux pour faire leurs courses et tout ça. Donc même quand ils partent en vacances aux Canaries ou au Madagascar, comme font les trois images, il faudrait qu'ils soient dans l'avion. Non, mais ce qu'il y a dans l'avion, ça c'est différent parce que quand tu vas dans l'avion, il y a simplement le billet à prendre, le reste c'est payé. Parce que c'est vrai que les personnes âgées, déjà quand c'était l'ancien franc et le nouveau franc, ils se faisaient avoir. Voilà. Déjà, puis là maintenant, ça va être encore pire. Ouais. Parce que de toute manière, ça rentre en rigueur à partir du 18 février 2002. Ah, ça va être l'hécatombe. Hein. Là, à partir de ce jour-là, il n'y aura plus de francs du tout, il n'y aura plus que des francs. Si, mais ce qu'il y a, c'est que tu auras jusqu'au mois de juillet 2002 pour redonner tous tes francs pour... Je crois que c'est plus, c'est jusqu'en 2005. Hein. Non. Je crois que c'est la même année. Hein. Ah bon, c'est la même. C'est prévu pour 2002 que... Génocide du franc. Que toutes les personnes qui seront avec des billets, par exemple, de 50 francs, tout ça, soient redonnées. D'accord. Et après, ça sera terminé. D'accord. Donc, je peux te dire une chose, que ça va être la... Merde. Complète. Ouais. Donc, toi, toi, à la rigueur, tu aurais été à Strasbourg, tu ferais partie, tu seras député européen, tu aurais voté contre la loi de Maskik. Bah, disons, moi, j'aurais dit non, puis c'est tout. T'aurais dit non. Ouais, parce que qu'est-ce que tu veux faire pour une personne âgée? Comment que tu veux qu'elle se débrouille? Non, mais en dehors de ça, parce que le fait d'avoir installé l'euro, Gérard, c'est justement pour essayer de concurrencer les États-Unis qui sont la première puissance, le dollar. C'est voilà, surtout pour que tous les pays européens puissent faire un gros pays à lui-même pour essayer de concurrencer les États-Unis. C'est pas seulement pour essayer d'emmener les personnes âgées. Non, mais même, tu vois les États-Unis avec leur dollar, ouais. tu vois l'Italie avec la lire. Ouais, enfin, ce sera les euros. Ouais. C'est l'euro contre le dollar. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre? Non, mais moi je trouve que c'est complètement con. C'est ouais. Tout. Ça sert à rien. On parlait des États-Unis, Gérard. Moi j'aimerais que tu me donnes ton petit point de vue sur une affaire qui a fait beaucoup parler dernièrement, hein, puisque tu sais que les États-Unis est la plus grosse puissance du monde, hein, donc c'est un peu eux qui dirigent le monde, t'es d'accord? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette fameuse élection, là, avec vote Non, non, mais là, si tu veux qu'on parle politique... Non, du ton point de vue, est-ce que tu trouves ça aberrant qu'on en parle autant, parce que finalement, c'est les États-Unis, ça ne concerne pas. Moi, je vais te dire une chose... Non, enfin, ça, c'est un feuilleton à la Dallas, quand même, il faut le reconnaître. Si là, c'est même pas un feuilleton à la Dallas, c'est un feuilleton au feu de l'amour. Ouais. C'est un truc hallucinant, parce que t'en as un d'un côté, ouais. Il te dit... C'est Bush qui est gagné. Non, c'est Al Gore. C'est Al Gore. Après, non, mais faut revoir tous les bulletins de vote. Parce que ça se faisait en France. Moi, en France, personnellement, Tu votes plus, toi, d'ailleurs? Moi, j'ai jamais voté, puis de toute manière, je m'en fous. Qu'est-ce que t'attendrais d'un homme politique en France? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il change en premier? Ce qui change en premier? Alors, moi, je vais te dire... Donne-moi les deux, trois choses que t'aimerais qu'un homme politique change. Déjà, une. Qu'il y ait moins de personnes en difficulté. En deux, qu'ils aillent des moyens pour trouver une solution sur des maladies à l'heure actuelle que personne n'arrive à découvrir. D'accord. C'est-à-dire... On les découvre, on n'arrive pas à les traiter. Non. On les découvre. Pour l'instant... Parce qu'il faut aider maintenant des médecins à trouver des maladies. Non. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver comment... Ah oui. Comment se sortir oui, du d'accord. sida. Comment se sortir de la myopathie. D'accord. Parce que ça, c'est des maladies... Faut donner plus de moyens à la recherche. Disons, faut donner. Plus et savoir... Ce que les jeunes donnent, ce que les gens donnent quand il y a des manifestations, de savoir si ça leur va vraiment. Les décathlons, tout ça. Le téléthon, le truc sur le sida, c'est pour ça voilà. que... T'as un signe toujours, d'ailleurs, décathlon, tout ça. Non. Les trucs, non, mais... Ah non, décathlon. Non, le marathon. Téléthon. Le téléthon. Gérard, tu donnes à chaque fois qu'est-ce que tu donnes, toi? Moi, personnellement, j'ai jamais donné. Si, j'ai donné pour avoir ça. Oui, d'accord, mais sinon. Mais sinon, je ne donne jamais parce que je ne sais jamais si ça leur revient ou pas. Alors, on revient sur les. Il y a encore aussi une autre maladie. Non, le cancer. On a compris. Non, mais c'est bon, Gérard. Trois choses là. Non, ce que tu voulais dire en gros, parce qu'il n'y a pas plus de maladies, c'est pas genre. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pour dire de l'argent pour la recherche. Ouais, mais. Et la troisième chose, qu'est-ce que tu as droit d'autre qu'un homme politique change encore? C'est quoi qui est. Plus de chômage, plus de... Ah bah ça, le chômage... Plus de discothèques, je sais pas, plus de... Non, mais le chômage, ça, de toute manière, tu pourras rien y faire. Non. Il n'y a aucune solution, c'est du bluff que les hommes politiques disent qu'ils vont essayer de trouver. Est-ce que... on revient, t'as fait un débat, en plus tu connais bien le sujet, parce que pour certaines personnes, et surtout des hommes politiques, les 35 heures, hein, ça va tout révolutionner, grâce à ça, il y aura quasiment plus de chômage ou plus du tout. D'après ça. Ça changera rien du tout. C'est pas parce qu'ils mettent ça aux 35 heures, mais ce qu'il faut dire, c'est que en mettant ça aux 35 heures, donc ils vont mettre des gens en pré-retraite. Donc, est-ce qu'ils vont remplacer les gens qui vont aller en pré-retraite par des jeunes? On ne sait pas. Ceux qui vont aller en retraite, est-ce qu'ils vont les remplacer? On ne sait pas. Donc tout ça, pour l'instant, pour moi, c'est des magouilles. Pour moi, c'est de la merde. Non, mais tu dis ça tout le temps, mais c'est facile de se expliquer pourquoi non, c'est de la merde. C'est de la merde, parce que... C'est magouille, et pour toi, c'est ce qu'ils aiment politique, c'est des magouilles. Pour moi, c'est les chefs d'entreprise qui sont pas capables de remplacer une personne qui va partir en pré-retraite pour prendre un jeune à la place. Parce qu'il faut le former, le jeune. Et qu'est-ce que tu penses d'une femme qui a 40 ans aujourd'hui qui cherche du boulot et qu'on ne prend pas parce qu'elle a 40 ans et qu'on considère qu'à 40 ans, déjà, on est trop vieux? Pas bien. Mais non, mais ça. À 40 ans, il te reste encore 15 à 20 ans à travailler. Donc. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que pour les femmes, la retraite, c'est 60 ans. Pour les hommes, c'est 65. Donc pour moi, je trouve ça dégueulasse. Alors la femme qui a 40 ans, elle a 20 ans à travailler. Donc un chef d'entreprise. C'est dégueulasse qu'il la refuse. Ne va pas prendre quelqu'un de pour 20 ans. C'est déjà bien 20 ans. Ouais, mais faudra la former. Donc il y a un an de formation. Bah alors, il en reste 19 dans la société. Bah ouais, mais. Et alors il va c'est bien. Ouais, mais après. C'est par exemple. Donc ça veut dire qu'à 40 ans, on ne sert plus à rien pour toi. Bah, on va mettre la retraite à 40 ans alors. Personnellement, oui. Alors si on met la retraite à 40 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être le même problème qu'à partir de 30 ans, on n'en voudra plus. Il faudra commencer à travailler dès l'âge de 15 ans. Bah, de toute manière, il y a des jeunes qui commencent bien avant. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Parce que toi, tu as eu la chance de commencer parce que tu as eu la chance de ne pas faire d'études. Non, mais moi, il y a des jeunes qui, malheureusement, sont obligés, ont la chance. Malheureusement, sont obligés de faire des études à bac plus 10. Les bacs et puis le BEP, le brevet d'études professionnelles, pour moi, t'as pas besoin d'un bac pour. Disons, on dit qu'on n'a pas besoin de bac pour être n'importe quoi. Au moment BEP ou l'ENA, quoi. Ouais, mais même, maintenant, à l'heure actuelle, tu regardes dans une annonce, vous avez le bac, vous avez le BEPC et autre chose. L'ENA ou. Hein? Maintenant, pour être éboueur, faut avoir le bac. Ah bon? Ah ben, tu demandes, maintenant, à l'heure actuelle, pour être éboueur, faut avoir le pourquoi, bac. Non mais explique-moi pourquoi, t'as entendu ça où? Ah ben, j'ai... Et pourquoi, mais d'après toi, c'est quoi? Pourquoi il faudrait avoir le bac pour être éboueur? Non, mais d'après toi, d'accord, bon, c'est peut-être vrai ce que tu dis, je te crois, mais explique-moi, toi, Gérard, pourquoi il faut avoir le bac pour être éboueur? Je me le demande. Je suis comme toi. Je me pose la question. Pourquoi avoir un bac pour être éboueur ou pour balayer une rue? Pour tenir à balayer, faut avoir un bac. Non mais attends, mais tu vas où là? Tu vis dans un monde de quoi? Dans un monde de tarés? On est d'accord. Donc là, je te suis complètement... Là, c'est dans un monde de tarés. On vit dans un monde de fous. De toute manière, qui c'est qui l'a voulu? C'est nous. À l'heure actuelle, tant pis. Ça se trouve, demain, pour être cuistot, il va falloir faire Hippocagne et puis... De toute manière, pour être cuistot, il te faut le CAP. Minimum. Un CAP. C'est ça qui est génial. Pour être cuisinier, il faut un CAP. En même temps, pour être éboueur, il faut avoir le bac. On vit dans un monde de dingue. Mais c'est complètement du délire. Alors. Donc le mieux, c'est de démarrer le plus rapidement possible dans la vie active. Alors comment, justement, toi, tu verrais changer l'éducation pour que les jeunes aient la chance, comme toi, de ne pas faire d'études? Moi, je leur conseille, s'ils veulent s'en sortir, les jeunes, à l'heure actuelle... Qu'ils arrêtent les études. Non, qu'ils continuent. Non, mais s'ils continuent... Ils vont se mettre à rentrer dans la vie active tard et très vite ils se retrouvent au chômage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la femme de 40 ans. Qu'une fille qui a la chance de pouvoir arrêter ses études à 13-14 ans, donc en quatrième, disons même cinquième avec un peu de chance, elle rentre tout de suite dans la vie active, comme ça elle se fait plus vite de l'argent, et plus vite, bon, elle se fera à 40 ans, elle se fera licencier, mais elle aura mis de l'argent de côté. Ouais, mais... Non, moi je trouve ça dégueulasse parce que... Ça sert à rien d'avoir un diplôme, parce que ça va te servir à quoi? À rien du tout. C'est pour ça que pourquoi tu dis qu'il faut inciter les jeunes à faire des études, ça sert à rien. Tu sens qu'ils se mordent la queue. Mais ouais, mais moi, je veux te dire, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans, de 17 ans, en apprenti. Mmh. Alors, on voulait me faire continuer la cuisine, ça me plaisait pas. J'aimais pas être derrière. Servir les gens, avoir quelqu'un derrière mon cul. Ouais. Moi, j'aime pas. Je préfère. Oui, je te gratte le cul tranquille sans qu'il y ait quelqu'un derrière. Non, mais moi, je préfère avoir mon indépendance. Comme sur la route, j'avais mon indépendance. Ça te manque, ça, aujourd'hui? Ah oui. Bon, disons, je me plains pas où que je suis. Je me plains pas. Mais je préfère, j'aurais préféré rester. Qu'est-ce que t'aimais bien? C'était dans le camion, tu mettais ta musique, tu mettais Sardou, tout ça, c'était. Voilà. Voilà, donc. Sardou, justement, tiens. On change de sujet, mais on reste dans l'actualité. Qui fait son. Au courant du mois de. Là, ça va arriver d'ici très peu de temps. Il fait une dizaine de jours à Bercy, après, ça sera la dernière date. Ça veut pas dire qu'il va continuer la salle, mais c'est la dernière fois de sa vie qu'il va faire une grande salle comme Bercy. Après, il n'en fera plus jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et que encore ce mec-là, aujourd'hui, à l'âge qu'il est, avec son pauvre lifting, il remplit Bercy pendant 13 jours. Ah, moi, je tire mon chapeau, c'est comme Johnny Hallyday. Il tire pas la peau, vous savez. Non, mais je tire mon chapeau. Ouais. Ben, c'est bon. Ça fait comme Johnny Hallyday, comme Jean-Pierre Sauzard qui adore Johnny Hallyday. Non, mais on s'en fout, ça parle de Johnny. Non, mais je te parle de Johnny Hallyday. Quand tu vois, par exemple, Notre-Dame de Paris, là, qui va pas tarder d'être au Palais des Congrès. Là. Ouais, mais parlons de Sardou, là. Moi, Michel Sardou, je l'adore, parce qu'il a des chansons, il faut les comprendre. Lesquelles? Je vole, un accident est petit. C'est bien ce que tu mettais. Alors, prenons ces trois chansons, décortiquons-le un petit peu. Tu m'as dit je vole. Ça parle de quoi? Raconte-moi. Tu peux me chanter un extrait ou me donner un texte? Ben, si tu pouvais avoir. Moi, je ne sais pas, donc il faudrait que tu les chantes. Ben, c'est mes chers parents, je vole, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Comprenez bien, je vole. C'est un enfant qui quoi? Qui se suicide? Non, qui devrait faire sa vie? En fin de compte, c'est un enfant. Qui se sent abandonné. À un moment donné, il dit. Ouais, je sais plus exactement, je l'ai plus en tête. Non, mais c'est pas grave les textes, mais ça parle de quoi? D'un enfant qui décide de partir de chez lui, de voilà. Quitter sa maison. Tu peux quitter ta maison en restant en bon rapport avec tes parents. Oui, mais. C'est pas le cas, là. Sur cette chanson-là, c'est pas le cas. Bon, un accident. Bon, alors, un accident, c'est quoi les textes? C'est. Attention, un accident. Un accident, donc. Tu peux fredonner un peu? C'est. Je me souviens plus de la chanson. Non. Je m'en souviens plus, c'est. Un accident. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. Je l'ai plus en tête. Et c'est quelqu'un qui dit regardez dans la boîte à gants, vous trouverez son adresse. Vous trouverez son numéro de téléphone. Je sais plus exactement. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Non, mais il dit comme ça sur la chanson, vous trouverez son numéro de téléphone dans la boîte à gants, mais ne prévenez pas mes parents car j'ai eu un accident, donc je sais plus exactement. C'est comme, c'est un jeune qui a eu un accident, qui a fait une connerie? Ouais, c'est un jeune, je pense que c'est un jeune, mais j'ai... Sur ton boîte peut-être, en ayant un peu bu? Non, je sais pas, parce que j'ai pas les paroles en tête, et comme t'as rien... Je sais pas, Rigo, ça te dérangerait de regarder peut-être à www.sardou.fr. Ouais, je vais chercher. Si on peut voir les textes, parce que je crois que dans Sardou, on doit avoir il doit y avoir un site Sardou, il doit y avoir des textes, et là, à ce moment-là, Gérard pourrait les relire. Alors, il y avait accident, tu m'avais dit, je vole, et petit. Et petit, c'est quoi, petit? Alors, petit, c'est... Petit, n'écoutez pas les grands parler, tu comprends, toi? Je sais plus exactement comment que c'est. Vas-y, lâche-toi quand même, vas-y, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien, vas-y. C'est petit, n'écoute pas les grands parler, tu comprendras le... Mais je sais plus, je l'ai en plus, mais j'ai pas pensé à le prendre. Rigo, il va voir s'il peut trouver un truc Sardou avec les textes sur les tout. Donc alors, petit, Rigo, t'as dit pas sur la petit, petit, je vole. Bon. Et un accident. Surtout celui-là. En fait. Un accident, bon, bah, en fin de compte, c'est grave parce que ça. Bon, alors laisse tomber. Ça lui fait rappeler son père. Laisse tomber. Non, autre, je vole ou petit. Non, mais tu essayes de voir et tu me diras. Sinon, mais j'aime bien là. Parce que la table ronde, elle est vachement bien organisée. Il y a que Max qui parle, mais. Non, parce que tu sais, finalement, je crois que je pose des questions, vous avez envie de lui poser, et je pense qu'il se réserve pour le débat pour être en forme. Donc, non, mais. Sardou, tu l'as déjà vu sur scène? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Pour toi, Sardou, c'est quoi? C'est un chanteur, c'est un ami, c'est quelqu'un qui a dû partager ta cabine? Non, mais Michel Sardou, c'est un chanteur. Michel. C'est un chanteur que j'aime bien. Mais celui, au moins. T'as accompagné quand même quand t'étais sur la route? Ah ben, de toute manière, moi, du Michel Sardou, j'avais... Tout par cœur. J'avais tout toutes les cassettes. J'avais plus de 200 disques à lui et 500 cassettes. D'accord. 500 cassettes, 500 albums de Michel Sardou. Tu dois en avoir plus d'un que personne ne doit avoir, parce que... Ben, il y en a beaucoup que je peux pas avoir. T'as trouvé? Oui, site officiel quand même, michelsardou.com. Donc on va essayer de trouver les paroles. Dans quelques chansons, on va regarder. Alors, dans ton camion, revenons à ce métier de routier et restons dans la musique. Donc, c'était important la musique pour toi quand tu étais dans ton camion. Ah ben ça, de manière, ça a toujours été pour moi la chose le mieux, et ça, de toute manière, aucun routier pourra me démentir, donc j'espère qu'on en aura tout à l'heure entre 2h et 3h. Aucun routier ne pourra me dire. Qui conduit pas sans musique. La musique. C'est. Quels sont on a compris, donc c'est clair que c'est important parce que ça vous accompagne, parce que vous aimez bien quand même être seul, c'est le fait d'être seul, mais quand même il faut pas être seul au point de se retrouver sans musique, parce que sinon ça serait tristouné, quoi. Sinon la route vous paraît moins longue. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même, parce que toi t'as côtoyé beaucoup de routiers dans ton métier, souvent vous vous retrouviez dans les routiers sont sympas, dans les cafétérias, discutant. Bah, disons, moi j'ai écouté les routiers sont sympas, mais. Je parle des routiers, t'as connu des potes routiers à toi, des gens. Quels étaient, vous avez souvent discuté de musique, quels sont, d'après toi, si tu devais donner un trio de tête des chanteurs à routiers, le trio chanteurs routiers. Quelles étaient les plus fortes rotations de cassettes d'artistes français dans les cabines de routiers? Il y a Sardou. Bon, Sardou, peut-être que tout le monde l'aime pas. Hein. Mais bon, d'après toi, quels étaient les artistes qui étaient le plus aimés des routiers, les chanteurs, les trois chanteurs, qui étaient tout le temps dans les cabines, à tourner à tue-tête. De toute manière, il est libre, Max. Non, mais on parle des artistes, pas des chansons, mais des groupes. Et les chanteurs, c'est Johnny Hallyday, à mon avis. Ouais, les routiers, dans ça devait être le best. Johnny Hallyday, je pense Elvis Presley et... Sardou, peut-être. Bah oui, sûrement. Les trois ténors. Voilà. Sinon après bon Jacques Brel, quoi que les routiers, non, peut-être pas. C'est de la merde, tous autre chose à foutre. Brassens, non. Léo Ferret, non. Je sais pas, parce que ça dépend des. Peut-être je pense à un truc, c'est Jérôme. Ouais, je pense, oui. Ouais, c'est Jérôme, Mike Brandt. Ah, Mike Brandt, c'est... Ça devait tourner, ça dans les boutiques. Frédéric François. Non, plus Adamo. C'est Jérôme et Mike Brandt aussi. C'est Jérôme. Non, je viens de le dire. Non, je voulais dire Frédéric François. Moi, ouais, je pense pas, non. Non. Moi, bon, ça dépend, parce que maintenant, t'as des jeunes qui sont. Non, mais on parle de l'époque. Non, les années 70-80, quand t'étais routier. Ah, mais moi, j'aimais bien tout. Non, je parle pas de toi, je parle des routiers en général. Non, mais d'après je pense toi, si tu devais donner trois chanteurs les plus écoutés par les routiers, Sardou, Hallyday. Mike Brandt et c'est Jérôme. Voilà. Trois, il en a cité quatre dans les trois. Ouais, mais quatre. Ils vont se serrer, hein, c'est tout. Ils vont se serrer un peu, c'est tout. On mettra deux ex aequo. Non, tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, après, bon, il y a eu la Cibi, donc. Alors, on va en parler. Mais juste avant d'aller vers la Cibi, de revenir dans ton métier de routier, on va se retourner vers le site officiel de Sardou. Tout à fait. Alors, j'ai trouvé les paroles et des extraits en audio aussi. Alors attends, faut que tu lèves la tranche audio. Ah, c'est pas ça fonctionne. Ils sont en train de se connecter là, deux secondes. Votre vrai, son téléphone. Tu te souviens, attends. Alors, t'as les paroles, GG? Ouais. Un peu de lumière, on va lui mettre un peu de lumière. Ouais, c'est là. Ah, c'est écrit petit, ouais. Alors, Gérard va nous interpréter. Vas-y. Vas-y avec. Non, mais le son est pas très bon. Si on peut. On va le baisser un peu. Ah, d'accord, on va essayer de faire des petites améliorations. Il y aura un petit peu de crachat sur la ligne, mais on va essayer d'avoir mieux. C'est pas ça. C'est pas le début de ça. Non, mais c'est les extraits. Et si la plaine c'est encore bonne. Depuis que j'ai eu un accident. Et que s'en aillent les hommes en blanc. Continue, voilà. Parce que c'est des extraits de 30 secondes sur internet, fini à blanc. Pour moi c'est. Hein? Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne. Mais reste-t-il un survivant? Je vous en prie, trouvez ma femme. Mais n'appelez pas mes parents. Mais c'est tout. Non, mais j'aurais préféré avoir la musique. Non, mais il n'y a que 30 secondes sur la tablette. On envoie un autre extrait, puis après tu finis à blanc. Allez, on commence. Oh, non, là, ah, je vole. T'es prêt? L'amour, c'est plus marrant, c'est moi, les espérants. En chantant. Ah, c'est en chantant, ça, d'accord. Et tu voulais, il n'y avait pas je m'envole ou je vole? Mais si, mais c'est pas au point leur truc. Ah, c'est pas au point? Ah, là, tu dis que je la vole. La pleure au bout du cuisine. La victoire se gagne aussi. Petit. On va chercher petit. Sors-moi tout le. Rigo, Sors-moi tout, l'intégrale de... Bon, hé, remets du papier dans l'imprimante, parce que alors, chose dans une acapella, t'as les textes, tu te souviens de la mélodie, quand même. Ouais, petit, là, petit, on va voir. Ça marche. Ouais, mais ça grille. N'écoute pas les grands blaireaux, dans le jardin. Ah, blanc, blanc. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Et tant pis si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le lendemain. Voilà. Oh là là. Oh là. J'aurais bien voulu, je vole. Je vole, mais a cappella peut-être. Non. Je vole, on l'a pas. Apparemment, ça envoie en chantant. Alors. Ah non, bah. Bah fais-la, tu connais les termes. Vas-y, je vole. Ah non, bah. Vas-y, allez, vas-y, je vole. Non, mais mets-moi une musique, comment. On l'a pas, on va pas mettre une musique. Non, mais mets-moi un truc. J'ai rien, j'ai tout éteint, vas-y. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h du matin. J'ai bouclé ma petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et sur la marche. Et je marche sur la pointe des pieds, comme le soir où je rentrais après minuit. Voilà. Continue. Non, mais c'est bon, j'ai plus rien. Oh, dommage. Je refais le refrain. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Et voilà, terminé. Pas mal, bravo! Donc Sardou, pièce importante. On revient dans le... On va terminer là-dessus parce qu'on aurait pu continuer. On fera une autre émission, on reparlera parce qu'on n'a pas eu le temps de tout parler. J'aurais voulu... Ah, c'est bien, c'est sympa de parler comme ça. Dernier sujet qui tient à cœur, oui. Juste une petite question très intéressante parmi les milliers de connectés sur Internet. Il y a Rocco tout à l'heure, il voulait savoir à partir de quel âge as-tu commencé à porter la moustache? Ah oui, c'est vrai. Ah. Il y a tellement de trucs dont on aurait aimé parler. La moustache. Ben, depuis l'âge de... 9 ans. De 17 ans. chaud. T'as des photos de toi quand t'avais 17, 20 ans avec la moustache? Non. Non. Non, t'as pas de photos de toi quand t'étais plus jeune? Non. Non, rien du tout. Non, aucune. Ok. Alors, donc, la Sibie pour terminer. Bah, la Sibie, ça a toujours été ma passion. Ça a été la révolution pour toi. Mmh. La Sibie, ça a été à l'époque, pour les routiers dans les années 70, qui est aujourd'hui, pour un jeune de 19 ans, l'Internet. Qui c'est un peu le... Bah disons maintenant c'est que la Sibie maintenant je pense que ça à l'époque c'était la révolution. Bah oui mais ça la Sibie c'est on en voit toujours encore avec des codes Sibie sur le rebord du volant mais je sais que la Sibie ça a été au départ un truc dingue même les jeunes je vois à 8-9 ans ouais. C'est de la folie. C'était la folie même avec la Sibie portable. Ah, il y a une Sibie portable. Comme les téléphones portables, il y a eu de la Sibie portable. Ouais, ouais, ouais. C'était un genre de talkie-walkie. En forme de mallette. Et ils se parlaient entre eux et tout. Ouais, c'était et génial. Je pense que c'était ça a été le truc le mieux vendu en France. D'accord. Quel est on va conclure là-dessus avec ta liste, après on va aller vers ton débat sur les relations amoureuses. On aurait aimé encore, tu vois, c'est sympa de parler comme ça. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15, moi. Non, mais on en fera d'autres nuits comme ça, c'est sympa. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15. On en fera d'autres promis. Il vaut mieux que les gens restent sur leur faim et on a des bonnes questions. Je vais terminer, puisque tu parlais d'une invention géniale, que ça s'est super bien vendu, la Sibie. Tu peux me citer, peut-être 2, 3 ou 4, 5 inventions qui, depuis le début du siècle, hein, donc depuis l'an zéro, pour toi, ont le plus marqué les gens. Depuis la... Sur quoi? Sur la Sibie? Non, dans le monde, depuis l'an 1000, depuis l'an zéro. la naissance de Jésus, tout ça, depuis, wow. depuis 2000 ans, quelles ont été pour toi les plus belles inventions? La révolution pour l'être humain. Moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle... Pour toi. Pour moi, ça a été l'invention de l'Internet. Ben ça, au début, moi, je l'ai pas connu. Hein, parce que je suis né qu'en 61, donc t'as qu'à voir. L'Internet, ça date depuis quand, Rigo? Ah, bien avant. Hein. Bien avant, ouais. C'est vieux, c'était l'armée qui s'en servait avant. Ouais, mais tu parles de l'armée en 1800, déjà 70, ouais, bien avant. Ouais. Avant les premières guerres mondiales. Avant les... Ouais, mais ça... pour communiquer entre les pays. C'est vieux, Internet, hein. On a du retard. Sur certains pays, on a 400, 500 ans de retard. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Bon, alors voilà, donc, t'as l'Internet? Bon, l'Internet, la CB, bien sûr. Non, mais dans les inventions du monde, pour toi, c'est ça. Non, mais tu parles des plus grandes inventions de l'être humain. Ah non, mais moi, je n'ai pas connu mais c'est pas grave, pour toi, quelle était peut-être le téléphone. Téléphone portable, tout ça. Non, mais ouais, d'accord. Ouais, sans plus, sans... Je peux pas te dire exactement. Non, mais attends, toi, pour toi, d'après toi, quelles étaient les choses les plus fabuleuses? L'électricité, le téléphone, l'avion, le bateau, la voiture, le nucléaire, j'en sais rien. Non, pour toi, c'est Internet, la CB. Non, la CB et l'Internet, et le téléphone, c'est tout. Le reste, pour moi, rien. Si, puis... Je trouve pas que c'est une belle invention que d'avoir inventé la voiture ou le téléphone. Non, bah, je viens de dire, le téléphone. Non, ou le... Non, mais moi, ce que... L'électricité, par exemple, ça peut être une belle invention pour toi. Non. Non, moi, ce que j'ai bien plus aimé, c'est l'invention des camions sur la route, c'est tout. Parce que comme j'étais routier, moi, je pense plus à eux que... Ouais. C'est normal. C'est sur cette belle parole, donc... C'est normal que je pense à... Les plus belles inventions, Gérard, que l'être humain ait pu créer depuis ces 100 dernières années, donc depuis la création du monde, c'est la CB, l'Internet, le portable, et également l'invention des camions sur les routes. Pour les routiers, eh ben dis donc, avec ça, on est bien barré. Gérard, on aura l'occasion de refaire des nuits où nous parlerons comme ça tous les deux, en tête à tête. Mmh. La nuit est loin d'être terminée. Mmh. Hein, on a fait un tiers de cette nuit consacrée à Gérard, puisque maintenant, direction le débat de Gérard. Mais avant que tu lances ton disque, on va quand même saluer tous ceux qui sont sur les routes. Les nuiteux, les mille pattes, les infirmières, les ceux qui sont en prison et les veilleurs de nuit, on pense à vous et on se retrouve tout de suite après pour le débat de Gérard sur les relations amoureuses.